La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. David Le Breton est professeur de sociologie. Il est spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, qu'il a notamment étudié en analysant les conduites à risque, la peau, la voix, la douleur ou la marche. Il poursuit son anthropologie en s'attaquant cette fois-ci au rire, de la dimension physique à la dimension culturelle et sociale, de l'humour juif au rire de résistance. Il explore donc les usages contradictoires et ambivalents du rire dans nos sociétés. Son livre « Rire, une anthropologie du rieur » est publié aux éditions Métellier. David Le Breton est mon invité dans un instant. Et vous pouvez bien sûr lui poser vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Et bonjour Mathieu. La une de la science remonte aujourd'hui aux origines des microplastiques. Oui, avec la goélette Tara, le bateau labo repart pour de nouvelles aventures sur les grands fleuves d'Europe. On reçoit le directeur scientifique de la mission dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Bonjour David Le Breton. Bonjour Mathieu. Ravi de vous accueillir. Vous publiez donc Rire, une anthropologie du rieur aux éditions Métellier. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'explorer cette fois-ci ce sujet ? Alors il y a deux raisons. Évidemment, il y a une raison biographique et une raison la poursuite de mon travail sur l'anthropologie du corps. La raison biographique, c'est que mon entrée dans le rire s'est faite plutôt sous un jour malheureux. Et l'un des souvenirs les plus noirs de mon enfance, c'est lorsque j'ai été appelé par un vieil enseignant qui nous inspirait une terreur terrible. Je devais avoir une douzaine d'années, j'étais pas un très bon élève et j'étais devant le tableau bouche bée sans savoir quoi lui répondre. Il s'est mis dans une colère d'une extrême violence à mon égard. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il avait postillonné sur le tableau et je voyais ce crachat qui descendait tout doucement. Et j'ai été pris d'un fou rire absolument inextinguible, suivi évidemment par les 30 gamins qui étaient derrière moi. Et le prof était dans une colère absolument terrifiante et moi j'étais dans une souffrance terrible en me disant que je suis en train d'ailleurs de blesser ce vieil homme, ce qui n'était pas du tout ma volonté. Mais en même temps je me demandais comment j'allais sortir de cette situation. J'avais l'impression d'être dans un gouffre absolument sans fin. Donc ça, c'est la partie biographique. La partie biographique, et puis la raison anthropologique, disons, c'est parce que le rire, c'est le surgissement du corps à tous égards. Hein, quand on rit, d'ailleurs, souvent les adversaires du rire ont dit que le rire déformait notre visage, qui devenait grimaçant. Des théologiens parlent de spasmes, etc. Et puis il y a tout un vocabulaire aussi de la langue française qui dit qu'on rit à en pisser dans sa culotte, à gorge déployée, à se taper le cul par terre, etc. C'est tout à fait fascinant, ces métaphores éminemment corporelles et même qui touchent le bas corporel, on pourrait dire, alors que sur le sourire, on va parler plutôt de sourire lumineux, etc., mais vous n'avez absolument pas les mêmes connotations en termes corporels. Hein, le sourire, c'est la spiritualité. Le rire, c'est le corps. Et donc, c'est un beau chapitre à ouvrir sur l'anthropologie du corps. Est-ce que nous vivons dans une société qui rit aujourd'hui ou qui ricane? Les deux, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a un impératif du rire aujourd'hui. Il y a un style humoristique obligé. Plus personne ne veut s'en prendre au sérieux, que ce soit les politiques ou enfin toutes les catégories sociales. Et en même temps, souvent, on a l'impression que le rire de la moquerie, le ricanement, entre guillemets, est éminemment présent dans nos sociétés. Pour stigmatiser, pour mépriser, pour juger les autres. Ouais. Le corps et l'humain autour du rire, avec ce travail donc qui paraît, et vous êtes notre invité David Le Breton, vous répondrez bien sûr aux messages des auditeurs, peut-être des témoignages aussi comme le vôtre, on en souhaite. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. A tout de suite. D'où vient le plastique que l'on retrouve en mer? C'est la question posée aujourd'hui à la une de la science, Axel, avec une mission scientifique qui démarre la semaine prochaine. Oui Mathieu, Tara, la goélette scientifique, reprend du service pour traquer les microplastiques. Après des missions en Arctique et en Méditerranée, cette fois les équipes souhaitent remonter aux sources de cette pollution mondiale. Et c'est donc l'embouchure de 10 grands fleuves d'Europe qui vont être sondés pour mesurer les quantités, la nature et la toxicité des microplastiques qui dévalent jusqu'à l'océan. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le directeur scientifique de la mission, Jean-François Guiglione. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis les studios de France Bleu Roussillon et vous êtes écotoxicologue pour le CNRS au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer. Alors après l'Arctique et la Méditerranée, les fleuves c'était la suite logique de votre chasse aux microplastiques, c'est comme ça qu'il faut le voir ? Oui, parce que on a fait différentes expéditions qui ont pu montrer une situation alarmante en mer. Maintenant, il était important de retourner à la source du problème parce qu'on sait que 80% en fait des plastiques qui sont en mer arrivent des continents. Donc il était important pour nous de revenir vers les fleuves et de voir en fait les quantités de plastique qui sortent des fleuves. On est à entre 8 et 10 millions de tonnes de plastique par an qui arrivent des continents. Donc ça représente à peu près un camion benne par minute qui arrive en mer. Est-ce qu'on sait déjà la contribution européenne sur ces 80 ou à 90% de plastique qui vont vers l'océan ? Alors c'est vrai que les plus grands pollueurs aujourd'hui, ça va être au niveau de l'Asie, mais on connaît moins bien en fait la pollution de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est le deuxième producteur de plastique, mais c'est également le deuxième pollueur. On a des 8 millions de tonnes de plastique qui arrivent par an dont je viens de parler. Mmh. Il y a 600 000 tonnes par an qui arrivent de l'Europe. Alors vous allez vous rendre à l'embouchure des grands fleuves européens. Est-ce qu'à cet endroit-là, le plastique est déjà sous forme de fragments microscopiques ? Alors ça, c'était une découverte assez récente. On s'attendait pas à ça. Quand on imagine un plastique qui arrive en mer, on sait qu'il va se casser en petits morceaux à cause des vagues, à cause des ultraviolets, des courants. Mais on pensait en fait que tout ça se passait en mer. Et il y a une étude assez récente qui a montré que, notamment sur la Tamise, en Angleterre, il y a 66% des déchets qui arrivent déjà sous forme de microplastiques, qui sont déjà fragmentés. Donc c'est ça qui nous intéresse dans les fleuves, c'est de comprendre un petit peu comment se passe cette fragmentation et pourquoi on a autant de microplastiques qui étaient vraiment pas attendus à ces endroits-là. Ça veut dire aussi que le problème ne fait que commencer, le problème du plastique, parce que les océans sont en train de toucher, de recevoir ces microplastiques, mais les réserves sont dans les continents alors. Alors, il faut bien comprendre la vie d'un plastique. On estime que la vie d'un plastique, ça dure entre 100, 400 ans, peut-être plus. Il a largement le temps d'arriver de la montagne et de se casser petit à petit en morceaux en passant dans les rivières, en arrivant dans les fleuves et en arrivant en mer. Donc, effectivement, là, les travaux, il faut bien savoir que les travaux, la recherche sur les plastiques est assez récente. Les chiffres arrivent de plus en plus et on se rend compte qu'on sous-estime et qu'on est plutôt dans la pente ascendante en fait de la concentration de plastique qu'on va trouver en mer. Et vous allez essayer de quantifier tout ça. Comment est-ce que ça va s'organiser ? Comment s'organise la mission entre le travail fait sur le bateau et celui fait en laboratoire ? Alors la mission elle part pour 6 mois. On a 18 escales, hein, dont 12 en France. On va voir 10 fleuves européens, les 10 plus grands fleuves parmi les 15 plus grands fleuves européens. Et l'idée, en fait, c'est qu'on arrive de la mer avec Tara et puis on rentre dans les fleuves, on rentre dans la terre et on va échantillonner à différents endroits dans les fleuves pour évaluer la concentration des plastiques, mais également voir les polluants qui se mettent sur ces plastiques quand on sera en amont ou en aval d'une grande ville. Et tout ça, ça va avoir un effet sur la biodiversité qui est aussi étudiée, qui est un peu le corps de métier de la Fondation Tara Océan. Si je ne me trompe pas, Tara a de grands mâts. Comment vous allez passer les ponts pour aller vers la salinité zéro ? Bonne question. En fait, on va aller jusqu'on pourra là où il n'y a pas de pont. Typiquement, ouais. Dans chaque fleuve, en fait, on peut remonter presque dans toutes les grandes villes sans avoir de pont. Puis ensuite, on travaille avec des zodiacs. Il y a du travail aussi qui est fait à terre pour qu'on puisse aller plus loin, en fait, le plus loin possible dans les fleuves. L'idée, c'est d'arriver à de l'eau douce et de voir ce qui se passe là. Alors, est-ce que sur ces microplastiques, vous allez aussi chercher, entre guillemets, notre sauveur, le micro-organisme capable de tous les manger ? Alors ça aussi, c'est une bonne question. On a toujours l'impression, en fait, qu'on peut nettoyer les mers et qu'elle va se nettoyer toute seule. Il y a des projets, en fait, qui ont proposé de nettoyer les océans. On sait très bien que ça c'est voué à l'échec. Du coup, on se rabat vers ces fameuses bactéries qui sont effectivement capables, dans des conditions de laboratoire, de dégrader les plastiques. Ça, c'est des choses qu'on fait dans notre laboratoire. On a réussi à démontrer en fait que certaines bactéries étaient capables de dégrader ces plastiques. Mais ce qu'on a montré aussi, c'est que c'était extrêmement lent. Et quand on compare la quantité de plastique qui arrivent dans les océans par rapport à la vitesse de dégradation d'un micro-organisme, bah malheureusement, en fait, le micro-organisme perd, la mer perd, et c'est la quantité de plastique qui gagne. En fait, les écosystèmes aujourd'hui ne sont pas capables de dégrader les plastiques qui sont dans les océans. C'est pour ça qu'on voit qu'ils s'accumulent de plus en plus dans les océans. Alors, vous allez commencer la semaine prochaine avec la Tamise, en plus, ensuite, dans le désordre, le Rhin, la Seine, la Loire. Est-ce qu'on pourra vous rencontrer, peut-être monter sur le bateau rapidement, Jean-François Guilguen? Oui, alors effectivement, le bateau part après-demain de Lorient. Donc voilà, j'invite les gens à aller le voir à Lorient. Mais effectivement, il y a un site internet en fait qui est facilement trouvable avec la Fondation Tara Océan, où on peut suivre les 18 escales, hein, dont 12 qui sont faites en France. Et effectivement, l'objectif de cette mission, c'est premièrement un objectif scientifique, mais il y a aussi un objectif de communication. Et à chaque escale, on parle au public, on rencontre les autres scientifiques également, qui viennent contribuer et qui viennent parler de ce grand problème des plastiques à la fois dans les fleuves et dans les océans. Est-ce qu'on peut venir passer des vacances sur votre goélette aussi, Jean-François Guillon? Ça sera avec plaisir, Mathieu. Ça serait très agréable, en tout cas. Bon, merci. On va suivre ça de très très près, évidemment, avec Tara. Merci beaucoup à vous, Axel. Merci également. À demain. On se retrouve demain pour une nouvelle une. Et dans un instant, Anthropologie du rire avec mon invité David Le Breton. Bon après-midi sur France Inter. Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants, et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, y'a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles y'a plein d'objets inutiles fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomil. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer. J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers. Mes grands-parents, c'était Aurel San. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Mais combien de points on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui? Moi j'en ai eu 50. Enfin, 48. Ils m'en ont retiré 2 parce que je me suis pris les pieds. J'étais bûché en jouant à la marelle. On jouait à la marelle et bing. Aujourd'hui, j'étais tendu de rire. Mort de rire. Parce qu'on s'est amusé. J'ai hâte qu'on soit demain et que ça commence à jouer à la marelle, au ballon à prisonnier, qu'on fasse la ronde et tous les autres jeux. Je me souviens plus. Il y en a trop. J'aurais dû, j'ai complètement obsédé. On arrête, je suis crevé. Voilà extrait du film de Roberto Benigni en 1997, La vie est belle, pour parler du rire avec David Le Breton, anthropologue et sociologue. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut Universitaire de France et donc chercheur au laboratoire Culture et Société en Europe. Et ce livre, Une anthropologie du rieur, aux éditions Métellier, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. L'idée du livre, David Le Breton, c'était quoi? C'était pas tant d'analyser les mécanismes du rire, ça avait déjà été fait, plutôt que d'étudier l'homme qui rit, l'homoridens, c'est ça? Voilà, c'était bien l'homoridens avec avec toutes ses ambivalences, ses ambiguïtés, ses complexités, puisque quand on parle du rire, on a toujours le fantasme que rire, c'est joyeux, c'est merveilleux, faut que tout le monde rit, etc. Ouais. Alors que, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai plutôt, moi, des souvenirs un peu amers de mes fous rires de gamin. Ouais. Et puis, il y a aussi d'innombrables autres significations du rire, au-delà de la joie ou de la reconnaissance de l'autre. On peut rire aussi de supériorité, de morgue, de raillerie. Regardez d'ailleurs le rire dans le harcèlement, hein, qui fait des ravages aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Eh bien, on se moque d'élèves qui sont en surpoids, qui sont gays, qui sont pas comme les autres, en tous les cas, qui ont peut-être un frère ou une sœur trisomique, et ça fait rigoler tout le monde. Et ce sont des gamins qui vont être dans une grande souffrance à cause du rire. Ouais. Et puis, il y a aussi le rire de soulagement. Par exemple, on échappe à un accident et on éclate de rire. Alors, il n'y a vraiment rien du tout de rigolo là-dedans. C'est la tension qui se libère. Ouais, comme aux enterrements d'ailleurs. Par contre, c'est le fou rire. Mais effectivement, vous avez raison. C'est en même temps la grande tension qu'on éprouve quand on est dans un enterrement ou quand on est devant un supérieur hiérarchique ou autre, ou comme moi, j'étais tout petit devant ce prof. On ne sait pas où se mettre, on est hyper tendu. Et donc, le moindre détail va faire que le rire va jaillir, un rire incontrôlable, un rire fou. Donc, c'est le fou rire qui est un rire complètement délié de toute nécessité sociale, mais qui fait mal parce que celui qui est pris dans le fou rire peut avoir l'impression que les autres vont penser, par exemple, qu'il est absolument insensible, qu'il n'éprouve aucun amour pour la personne qu'il vient de perdre et qu'il est en train d'enterrer au cimetière. Voilà, donc le fou rire, c'est effectivement une libération des tensions. C'est vrai. Bon, on aura certainement des témoignages en ce sens des auditeurs de l'émission. Alors, la première phrase de votre introduction, c'est celle-ci. Le rire ne manifeste pas nécessairement la joie, ni même le comique d'un mot ou d'une situation. Donc, vous plantez une tonalité tout de suite, au fond, dans ce récit. Voilà, il fallait se démarquer, évidemment, de grands textes que j'aime énormément, d'ailleurs, comme celui de Bergson, qui est un livre magnifique, mais sur l'humour. Pas sur le rire. Ouais. Et j'avais envie plutôt d'aborder le rire qui est toujours un peu occulté, donc celui que j'évoquais de la détresse, de la domination, de la morgue, de la supériorité, ou le rire banal de la vie quotidienne. Simplement le fait de retrouver un ami fait qu'on éclate de rire. Il n'y a rien du tout de rigolo là-dedans, mais le rire est présent comme une sorte d'adoucisseur social, comme une sorte de lien. Le rire relie les acteurs, puis il y a aussi le rire qu'on utilise pour désamorcer des tensions, des conflits. Ouais. Une bonne blague, ça peut... C'est un pouvoir considérable. Extraordinaire, effectivement. Voilà. Ouais. Ça peut supprimer des conflits qui auraient pu faire de la casse. Oui, ça économise beaucoup d'énergie aussi. Et puis, c'est le rire pris dans le corps. Ça, évidemment, c'est vraiment le sujet qui vous intéresse. Ça qui m'intéresse. Oui, parce que le rire n'est pas du tout un réflexe, évidemment. Il est à l'articulation, disons, de l'organique et du sens. Exactement comme la marche, exactement comme la voix ou la parole, c'est on ne réfléchit pas quand on parle ou quand on marche, ça coule de source. Quand on rit, ça coule de source aussi. Mais parce qu'en amont, on a appris ce qui était risible dans nos sociétés, et puis qu'on va ajuster évidemment en fonction de son histoire personnelle, de son style, etc. On va pas rire exactement des mêmes choses avec des gens qui nous sont proches. On va pas rire exactement de la même façon. Il y a des rires exubérants, il y a des rires extrêmement discrets. Mais le rire est toujours du sens. Donc il est toujours lié à une trame sociale et culturelle. Oui, évidemment pris dans le social là aussi, extrêmement important. Alors vous écrivez aussi ceci, le rire s'écrit au singulier, mais il s'entend toujours au pluriel. Très jolie phrase, mais ça dit tout au fond. Tout. Oui, mais c'est tout mon travail finalement. J'ai toujours été heureux que corps s'écrive avec un S. Ouais. Non, mais je sais que ça n'a rien à voir avec le pluriel. Mais parce qu'effectivement, il y a des milliers de corps à travers le monde. Voix, j'étais content que ça s'écrive avec un X, parce qu'effectivement, il y a d'innombrables voix. Donc finalement, tout mon travail d'anthropologue, c'est un peu de déconstruire ces espèces d'évidences que seraient le corps, le visage, la voix, la douleur, etc. Isolé ou indépendant du reste. Et puis donc avec souvent une signification unique. Par exemple, la douleur, c'est une abomination, etc. Moi, je n'ai cessé de montrer combien c'était en fait toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambivalent. Ouais. Dans la douleur, vous rappelez, j'en avais parlé dans votre émission, il y a aussi des douleurs qu'on accepte quand on court, quand on est un body artiste, etc. Mais bien sûr, il y a des douleurs qui détruisent. Ouais. On se focalise dans nos sociétés sur les douleurs qui détruisent en occultant donc toutes les douleurs qui sont inhérentes à des activités physiques et sportives comme l'alpinisme, la course à pied, etc. Ou même comme quand des ados s'entaillent, par exemple, ouais, et qu'elles recourent à la douleur contre une souffrance qui est dans leur vie. Alors donc, le travail de l'anthropologue David Le Breton, c'est au fond d'explorer le millefeuille thématiques auxquelles vous intéressez. Non, c'est une très belle formule, effectivement. Le miroitement des significations selon les contextes. Mais en n'oubliant jamais que c'est toujours l'acteur, c'est toujours l'individu qui agit au premier chef. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout de ceux, évidemment, qui considèrent que la culture dit tout. Ce qui importe, c'est plutôt ce que chacun de nous fait de son éducation, fait de sa culture. Comment on explore scientifiquement cette question du rire? Alors, c'était quoi votre méthodologie par rapport aussi à vos précédents ouvrages? On se souvient d'enquêtes au long cours, avec un nombre de personnes rencontrées. Ou les 150 personnes, par exemple, sur les douleurs chroniques. Non, là, sur le rire, on interroge les gens sur le rire quand on... Non. Finalement, depuis que je suis gamin, donc je suis dans une sorte de position d'observation par rapport au rire. Parce que vous restez vraiment sur cette histoire de départ, c'est incroyable. Oui et non, mais tous mes livres, de toute façon, viennent de là, les conduites à risque, la question du corps et autres, c'est parce que ce sont des questions qui m'ont taraudé quand j'étais gamin, et j'ai eu le privilège aussi, en tant qu'universitaire, de pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Mmh. Tout mon travail procède de cet étonnement, d'ailleurs. Et je n'ai jamais écrit la moindre ligne pour faire carrière, mais toujours parce que j'étais hanté par une question. Et donc, pour travailler sur le rire, ça aurait été un peu idiot que j'interroge des gens « Pourquoi vous riez ?» On rit 1000 fois par jour, mais avec des significations complètement différentes. Je pense que j'aurais eu un biais. C'est-à-dire, en posant cette question-là, on m'aurait répondu autour de la dernière blague que les uns et les autres auraient entendue. Mais pas du tout par rapport... Alors qu'ils viennent, par exemple, ils auraient ri de me voir arriver dans le café où je leur aurais donné rendez-vous pour me dire, mais enfin, parler du rire, quel sujet, bracadabrant ou je sais pas quoi. Mais ça, ils n'y auraient pas sans doute pensé que c'était quand même l'une des innombrables déclinaisons du rire. Donc j'ai beaucoup travaillé, comme j'adore le faire de toute façon, avec la littérature et le cinéma, puisque les écrivains nous décrivent des contextes très précis qui sont éminemment parlants pour tout le monde. Les cinéastes filment des séquences qui nous renvoient également à des significations du rire de la vie courante. Ouais. Alors Roberto Benigni, tiens, par exemple, qui vraiment incarne le rire à lui tout seul. C'est-à-dire que quand on pense à lui, on a cette image aussi de l'homme qui est dans le rire permanent, quasiment. C'est, presque une mécanique chez lui. C'est vrai, Je pense d'ailleurs que à mes yeux, ça a un peu desservi son film, que j'avais énormément aimé. Mais quand il s'est comporté un peu comme un clown à Cannes, quand il a eu le prix et qu'il s'est roulé par terre, qu'il s'est mis à genoux, etc. Bon. Non, d'ailleurs, il montrait, sans le vouloir, qu'il y a aussi des déclinaisons du rire extrêmement différentes, parce que son film est très beau, comme une forme de rire de résistance, une manière également d'apprendre, comment dire, l'apprentissage d'une forme de résilience à un enfant, quoi. C'est-à-dire, il le protège, il continue à lui donner une confiance dans le monde qui va permettre à ce gamin de traverser les pires épreuves pour devenir sans doute un homme accompli. Alors que lui, le père, dans la fiction, vit une tragédie absolument permanente. Ça, c'est l'une des déclinaisons du rire. C'est le rire dans la détresse, le rire de résistance, etc. Et puis, sur la scène de Cannes, c'était le rire de la bouffonnerie. Ouais. Et ça, vous n'avez pas aimé? Non, j'ai peut-être trop sérieux. Oui, c'est quelque chose qui est pour un moi, peu en dissonance par rapport pour moi, au pour moi, c'est en dissonance, parce que le film était grave, était dur, était douloureux, et j'ai plus été sensible à cet aspect douloureux du film, même s'il y avait énormément de scènes comiques, et j'ai eu l'impression qu'il diminuait un peu le... Mais le rire est marquant, parce qu'on se souvient tous de cette scène à Cannes, précisément, ça devait être avec Martin Scorsese, si mes souvenirs sont bons, je crois, mais effectivement, ça a été quelque chose d'assez marquant. L'humour étant le compagnon de route du rire, nous dit Patrice, à partir de quand peut-on considérer qu'une blague devient raciste? Rire des Belges, des Juifs, des Arabes ou des Français est-il nécessairement ou pas une forme de racisme? Ouais, j'ai envie ça, de... c'est très compliqué cette question. Oui, voilà, on se la pose tous d'ailleurs. À partir de quand commence finalement le racisme dans une blague? Oui, mais je crois que et qui peut se permettre Pierre de Desproges avait merveilleusement répondu à ça en disant qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On va l'écouter dans un instant d'ailleurs. Ouais. Donc effectivement, il y a des choses qu'on peut dire entre soi, entre guillemets. Je crois que communauté, par exemple. Entre communauté ou dans les vestiaires d'un club de foot ou je ne sais pas quoi. Par contre, quand on est en public, non, là il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on va profondément blesser, heurter quelqu'un. Est-ce que notre société censure de plus en plus le rire, selon vous? Oui, c'est terrible. Parce qu'on rit de plus en plus. Notre société est beaucoup rieuse, riante. Mais effectivement, il y a une censure très forte aussi. Il y a un politiquement correct du rire qui étrangle complètement les humoristes. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux ont eu des problèmes avec la justice. Ça a commencé d'ailleurs avec Coluche, avec Guy Bedos, avec Fellag en Algérie, qu'on accusait de dénigrer son pays ou ses compatriotes. C'est devenu très compliqué, effectivement, aujourd'hui, de se moquer d'un certain nombre de populations sans qu'il y ait des chocs en retour qui peuvent être très durs pour la carrière d'un humoriste. Le rire belge, par exemple, les blagues belges venant des Français, les Belges, je ne les aime pas. Hein. Ouais. Notre collègue Claude Javot, qui était un peu agacé de ces blagues belges, qui en fait n'ont rien à voir avec la belgitude, entre guillemets. Mm-hmm. Mais c'est une manière de fixer, en quelque sorte, il y a des préposés au rire, entre guillemets, hein. Donc des gens dont on va se moquer absolument en permanence. Mmh. Alors il y a les Belges, mais aussi dans le racisme, effectivement, il y a les Arabes, il y a les Juifs, il y a les Africains, etc. Et les personnes handicapées aussi, qui pâtissent terriblement tous les jours de la violence, du regard et des plaisanteries. Ouais. Sauf qu'au sein de ces différentes communautés, il y a un rire aussi très puissant. Oui, hein, bien sûr. Des personnes handicapées rient d'elles-mêmes. Mais elles vont rire entre elles. Et là, c'est possible. Ou avec des professionnels qui sont au quotidien avec eux. Mais par contre, entendre une blague, en effet, diffusée à la radio sur des personnes handicapées, là, ça va faire extrêmement mal. Ouais. Ou se faire moquer de soi dans un bus parce qu'on est un peu déhanché ou autre, comme le dit tragiquement Alexandre Jolien, par exemple. Là, ça fait extrêmement mal. François dit, j'ai remarqué que ce qui déclenche le rire chez moi aujourd'hui n'est plus du tout du même type que ce qu'il déclenchait lorsque j'étais plus jeune. Les jeux de mots, par exemple, m'exaspèrent davantage. Je préfère aujourd'hui le comique de situation. A-t-on recensé, demande-t-il également, les différents déclencheurs du rire? Alors, il y a beaucoup de questions, finalement, dans son intervention. Oui. Alors, l'évolution du rire chez l'individu, il est logique et normal entre l'enfant... Oui, un gamin, un enfant de 3-4 ans, on va rire absolument de tout. Et puis, au moment de l'adolescence, par contre, les adolescents vont rire en se contrôlant énormément. Et puis après, effectivement, il y a des blagues qu'on a entendues 1000 fois, on a pu... Ou alors on rit par amitié d'une blague qu'on a entendue 1000 fois. Si on est avec quelqu'un en qui on a confiance, on va lui dire, écoute, celle-là, je la connais, etc. Effectivement, l'histoire de vie qu'on accumule fait qu'on relativise aussi énormément de blagues qui nous faisaient beaucoup rire quand on était plus jeune. On va écouter, Pierre Desproges, justement, vous en parliez il y a un instant, le tribunal des flagrants délires. On l'écoute, c'était sur France Inter. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Régaud et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Voilà, et David Le Breton, vous rappelez que face à Pierre Desproges, au tribunal des flagrants délires, il y a eu Jean-Marie Le Pen, effectivement. C'était l'invité de l'émission, et c'est à ce moment-là, je crois, qu'il dit qu'on peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Exactement. Mourir de rire, d'ailleurs, on l'entendait tout à l'heure aussi dans l'extrait du film. Ça, c'est quelque chose qui dit quoi, alors, finalement? D'ailleurs, ça m'évoque une autre blague incroyable de Pierre Desproges, quand il dit « Plus cancéreux que moi, tu meurs ». Ça, c'est une manière absolument prodigieuse de prendre son adversité en main, de rire d'elle. Voilà, du coup, j'ai perdu cette question. Non, non, mais c'était ça, c'était sur cette expression. Ah oui, mourir de rire. Oui, parce, ouais. Mais effectivement, le rire, c'est une forme de transe, c'est ça. C'est une espèce de dissolution des contraintes de l'identité. Toutes les civilités, toutes les mondanités s'effacent soudain. Ouais. Et en effet, on est plié en deux, on a le visage qui grimace, on a le langage qui est au quête, parce que le rire, c'est aussi une destruction du langage. Oh, oh, oh, ah, ah, ah, i, i, ouais. Etc. La voix qui part absolument dans tous les sens. Non, il y a quelque chose de l'ordre d'une petite mort, entre guillemets. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et une anthropologie du rieur, c'est ce que vous signez chez Métellier. Vous restez avec nous, David Le Breton. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Special à l'instant. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. David Le Breton, rire avec cette anthropologie du rieur aux éditions Métellier dans cette collection Traversée. Et d'ailleurs, le prochain livre sera consacré au sourire. C'est ça. Ouais. Oui, c'est... Oui, oui. Comment vous avez travaillé sur cette question là par rapport au rire justement? Travailler sur le sourire, c'est encore plus compliqué d'ailleurs que de travailler sur le rire, puisqu'il n'y a d'ailleurs quasiment aucun travaux en sociologie, en anthropologie ou en histoire. Il y en a davantage en histoire de l'art, parce que l'apparition du sourire dans l'histoire de la peinture ou dans de la sculpture par exemple, exemple, est quand même extrêmement récente. Hein, pour la sculpture, c'est 12e, 13e. Et pour la peinture, c'est plutôt le 15e siècle. Donc, c'est quoi, c'est Mona Lisa quasiment? Non, ça, c'est un peu avant. C'est l'homme souriant de. Son nom m'échappe. Bon, bref, enfin, on n'est pas très loin, non. Ouais. Voilà, puis dans la religion également, le sourire, c'est plutôt l'Orient, hein, avec le sourire du Bouddha qu'on connaît, qui illumine les visages en Asie. Et parfois, c'est le rire, évidemment, quand on va beaucoup plus loin c'est en ça. Asie. On passe du sourire du Bouddha au rire, à l'hilarité, avec un ventre aussi bien rebondi, etc. Ouais. Donc, travailler sur le sourire, ça impliquait aussi. Bon, est-ce que vous allez étudier les sociétés qui font la gueule comme les Parisiens, par exemple? Non, j'en parle énormément, effectivement. Ouais. Pas des Parisiens. Ouais, mais oui. Je crois que chacun de nous qui ou voyage... Ou des Français, plus largement. Oui. Mais chacun de nous qui voyage a été, par exemple, ému par l'extrême banalité du sourire en Inde, au Tibet, au Népal, etc. Alors qu'effectivement, quand on rentre en France, on est sidéré, soudain, de voir la difficulté du sourire ou du rire, d'ailleurs, dans nos sociétés. Ouais. Cécile est étudiante en psychologie. Elle nous écrit, elle vous demande, selon vous, le rire est-il plus du côté du psychologique ou plus du corporel? Est-ce une manière, tout comme l'hystérie, d'exprimer l'inconscient? Non, je ne fais pas ces distinctions-là. Pour moi, le psychique, il est incarné en permanence et il y a un va-et-vient entre l'esprit et le corps. Et j'ai toujours combattu le dualisme, entre guillemets. Ouais. Nous sommes tout entiers dans notre présence au monde. Donc quand on rit, il y a une dimension psychique, il y a une dimension corporelle et on ne peut pas occulter l'une ou l'autre. Ouais. Pierre nous donne une citation de Roger Rabbit dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais, et ouais. Alors on entend ceci, le rire peut être une chose extrêmement puissante, c'est que parfois dans la vie, c'est la seule arme qui nous reste. Mais c'est vrai, c'est l'arme blanche de ceux qui sont sans armes, disait d'ailleurs merveilleusement Romain Gary. C'est en effet la seule possibilité pour un certain nombre de personnes opprimées ou de populations opprimées d'essayer de sauver leur âme ou de se battre. Ouais. Parce que quand vous avez réussi à faire rire votre adversaire, généralement vous l'avez désarmé quand même. Ouais. Mais ça fonctionne pas toujours. Et quand on travaille sur l'histoire de vie d'un certain nombre de grands humoristes, d'ailleurs on découvre qu'ils ont souvent été des enfants malmenés, des enfants humiliés, et ils ont compris un jour qu'une manière de se sortir d'embarras, c'était de raconter une bonne blague, ou d'être celui qui faisait toujours rire, en tous les cas, les autres, par ses facéties, par ses grimaces, etc. Ouais, vous montrez bien à quel point les personnes qui font rire sont souvent populaires, d'ailleurs, et arrivent à agréger autour d'elles beaucoup de monde. Dans un groupe, effectivement, ceux qui font rire sont ceux qui vont permettre la jubilation du groupe à l'encontre des rabat-joie, entre guillemets, qui sont censés au contraire faire tomber le rire. Voilà, dans les couples d'ailleurs, c'est un truc intéressant parce qu'on lit souvent que les femmes notamment épousent un homme parce qu'elle les fait rire. Ouais. Et je me souviens, j'ai relu plutôt récemment David Lodge, Thérapie, qui est un très beau roman, et où une femme se sépare de son mari parce qu'elle lui dit maintenant tu ne me fais plus rire. Tu m'as tellement fait rire quand on était plus jeune, mais maintenant tu ne me fais plus rire et je n'ai plus envie de vivre avec toi. Mais l'inverse doit être vrai également. Non, hein. L'inverse est effectivement. Oui, tout à fait. Le sens de l'humour témoigne de la lucidité d'être soi, de ne pas être dupe de son personnage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tout un recul que le rire permet. Hein. Ouais. On pourrait dire une dimension anthropologique, parce qu'il y a même un élément de déconstruction opéré par l'humour ou par le rire qui amène à une pensée sur l'événement. Ouais. Là où on prenait l'événement sans trop y réfléchir, finalement, le rire va introduire un grain de sable qui va amener la réflexivité. Et à ce moment-là, on va donc prendre une attitude davantage relativiste, etc. René nous écrit, elle nous dit « Pour moi, le rire dans le couple est un indicateur de bonne santé. M'est arrivé de constater on ne rigole plus jamais ensemble comme un résumé d'une période de crise et le simple fait de le dire montre comment remédier à la crise. Oui, ça fait c'est presque écho à ce que je venais de vous dire tout de suite. C'est ça, exactement. Oui. Allez, on va justement écouter l'extrait d'un atelier du rire. Alors ça existe, c'est vrai, on en a entendu parler quelques fois. Là, il s'agit de la ville de Rennes qui a proposé un atelier sur la question. Et pour illustrer ce que vous dites un peu, la façon dont nous consommons aussi le rire, au point parfois de faire des ateliers pour essayer de rire. On écoute ça et on le commente après. J'expose de rire. Ça dure une heure, c'est une durée moyenne. Il y a trois grandes phases. Lâcher prise, pour évacuer les tensions. On installe du relâchement, on se remplit de rire. Et ensuite, on laisse le corps s'immerger, je dirais, s'imprégner de ce rire-là. pour que le corps vraiment en profite. C'est ouvert à tous et il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas besoin d'être souple, il n'y a pas de posture à tenir. Dès la première fois, vous accédez facilement à rire parce qu'il y a une technique, une méthode. Le yoga du rire, c'est mettre en valeur que nous avons en nous un trésor. Et lorsque vous riez, vous atténuez vos douleurs, voire même elles disparaissent. Tout ça, c'est à notre disposition. C'est vraiment le yoga du rire, quelque chose d'orienté vers le positif. Personnel pour qu'on le ressente, pour qu'on le vive comme ça. Alors, David Le Breton, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces ateliers pour faire rire, justement? D'abord, j'ai envie de rappeler quand même que le rire, en effet, est thérapeutique à de multiples égards. Rabelais en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Rabelais allait voir aussi ses compagnons malades pour les faire rire. Il y a le grand texte de Laurent Joubert au moment de la Renaissance qui explique les vertus thérapeutiques du rire. Il y a Robert Burton qui a écrit sur la mélancolie et qui explique que le rire est une manière de sortir de la mélancolie. Puis comme ça, il y a tout un fil rouge qui explique, en d'autres termes, que l'optimisme, entre guillemets, sur son état de santé est certainement une manière de potentialiser la guérison, alors qu'au contraire, une attitude morose envers soi, le sentiment que tout est perdu, risque fort plutôt d'accentuer le mal. Alors ce qu'on voit depuis quelques années, effectivement, c'est quand même une sorte de consumérisme autour du rire. Mais je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous le savez bien, je suis sociologue, je ne suis pas un directeur de conscience et je ne suis pas là pour juger le monde, mais pour le comprendre. Alors on a vu apparaître les stages de rigologie, par exemple, ou le yoga du rire. Je pense que ça fait du bien à d'innombrables personnes. De toute façon, je pense qu'elles n'iraient pas à ces stages-là, ou alors elles y vont une fois et puis elles n'y retournent plus. Donc les gens qui y vont, ils trouvent forcément, à mon avis, un bénéfice. D'ailleurs, je crois qu'on rit pas forcément parce que le prof vous dit attention, 1, 2, 3, vous riez. On rit d'une situation qui est tout à fait cocasse dans un contexte social. On rit de voir son voisin de palier ou quelqu'un qu'on connaissait très sérieusement, qui est plié en deux tout d'un coup. Donc on rit moins finalement sous les injonctions du prof que sous le fait qu'on est dans une situation plutôt rigolote. Ouais. Donc je pense que ça ne peut faire que du bien, même si par ailleurs on peut regretter que le rire ne soit plus dans l'évidence de la vie quotidienne, mais que certains de nos contemporains doivent aller le chercher dans des stages faits exprès pour, où il faut payer un petit peu. Il y a une sorte de dissolution du rire aussi aujourd'hui. Oui, je pense, oui. De toute façon, si on compare au Moyen-Âge par exemple, où le rire est absolument omniprésent, le carnaval envahissait les rues de façon fulgurante. Aujourd'hui, les carnavals, quand même, sont bien polissés. On rit pas du tout. Pour moi, on rit beaucoup moins qu'on riait autrefois. Oui. Est-ce que c'est vraiment le propre de l'homme, pour répondre à Jean-Paul en 15 secondes, David Le Breton, par rapport à nos cousins primates? Non. Je pense que les singes, notamment les primates, rient également. Même le sourire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais même le sourire apparaît sur certains visages d'animaux. Mais les primates, effectivement pas. Ah, peut-être aussi les chiens et les chats. Il y a des photos qui sont très, très émouvantes à cet égard. On en reparlera quand le sourire arrivera aux éditions Métellier. En attendant, c'est le rire. Anthropologie du rieur. David Le Breton, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Tête au Carré. Merci Mathieu. Bon retour à Strasbourg.